relatório. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. you want. Those days. note de chant. Je ne crois pas à ce que tu as armé la piste méchamment. Got it, got it, got it, got it, got it. t'es dissonant, est-ce que t'es cognitivé? Est-ce que tu te renies? Est-ce que tu te plais à être ici? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu profites de la chance qui t'est donnée? Mais réalise. Thank you.